Quand le jour parut, Javel Cadet prit son bras détaché et l'examina longuement. La putréfaction se déclarait. Les camarades verront aussi l'examiner. Ils se le passaient de main en main, le tâtaient, le retournaient, le flairaient. Son frère dit « Faut jeter ça à la mer, Aster !» Mais Javel Cadet se fâcha. « Ah mais non ! Ah mais non ! Je veux point ! C'est à moi, pas vrai ? Puisque c'est mon bras !» Il le reprit et le posa entre ses jambes. « Il va pas moins pourrir !» dit l'aîné. Alors, une idée vint au blessé. Pour conserver le poisson, quand on tenait longtemps la mer, on l'empilait en des barils de sel. Il demanda « Pourrions-tu point le mettre dans la saumure ?»« Ça, c'est vrai !» déclarèrent les autres. Alors, on vida un des barils, plein déjà de la pêche des jours derniers. Et, tout au fond, on déposa le bras. On versa du sel dessus, puis on replaça, un à un, les poissons. Un des matelots fit cette plaisanterie. « Pourvu que je le vendions point à la criée !» Et tout le monde rit, hormis les deux Javel. Le vent soufflait toujours. On le voyait encore en vue de Boulogne, jusqu'au lendemain 10 heures. Le blessé continuait sans cesse à jeter de l'eau sur sa plaie. De temps en temps, il se levait et marchait d'un bout à l'autre du bateau. Son frère, qui tenait la barre, le suivait de l'œil, en hochant la tête. On finit par entrer au port. Le médecin examina la blessure et la déclara en bonne voie. Il fit un pansement complet et ordonna le repos. Mais Javel ne voulut pas se coucher sans avoir repris son bras. Il retourna bien vite au port pour retrouver le baril qu'il avait marqué d'une croix. On le vida devant lui. Il ressaisit son membre, bien conservé dans la saumure, ridé, rafraîchi. Il l'enveloppa dans une serviette emportée à cette intention et rentra chez lui. Sa femme et ses enfants examinèrent longuement ce débris du père, tâtant les doigts, enlevant les brins de sel restés sous les ongles. Puis on fit venir le menuisier pour un petit cercueil. Le lendemain, l'équipage complet du chalutier suivit l'enterrement du bras détaché. Les deux frères, côte à côte, conduisaient le deuil. Le sacristain de la paroisse tenait le cadavre sous son aisselle. Javel Cadet cessa de naviguer. Il obtint un petit emploi dans le port et, quand il parlait plus tard de son accident, il confiait, tout bas, à son auditeur. « Si le frère avait voulu couper le chalut, j'aurais encore mon bras, pour sûr. Mais il était regardant à son bien. »